الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله حصة الصباح إن شاء الله نجعلها في رسالة قيمة لشيخ الإسلام مجدد العصر إمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في معنى الطاغوت. دونك لا سيونس دي ماتان إن شاء الله نو زالون لا كونساكري ان ايبيتر دو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى دون لا سينيفيكاسيون دو طاغوت. يقول رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يلي رحمه الله تعالى ساش كلا سبحانه وتعالى تكوف دو سانت ميزيغوكورد كو لا بروميير دي شوز كلا سبحانه وتعالى في اوبليغاتوار à la descendance de Adam alayhi salatu wassalam, c'est qu'ils doivent être infidèles vis-à-vis du Tagout, être aimer croire en Tagout et après croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Sheikh Al-Fawzan fi sharh hadha al-kalam rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa askanahu fasih jannatihi wa matta'a bihi wa atala 'umrahu fi ta'ati Allah 'azza wa jalla. Yaqul يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Et son éminence qui a interprété Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala qui a interprété cette risala, il dit là Cheikh l'Islam fait allusion au verset où il dit: il n'y a pas de contrainte en matière de religion, l'orientation est claire, et celui qui met croit en Tagout et croit en Allah, celui-là s'est accroché à l'an solide qui ne se casse pas, qui ne se sépare pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui entend et celui qui sait. يقول حفظه الله: لا إكراه في الدين، ليس معناه أن الكفار يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون إلى الإسلام كما يقوله الآن المغرضون الكفار والجهال من المسلمين بحجة حرية الأديان وحرية العقيدة، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته لا لعبادته غير عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Et il continue de dire, rahimahullah ta'ala, en ce qui concerne la phrase qu'il y a dans le verset, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il dit: cela ne veut pas dire que les mécréants et ceux qui ne sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doivent être laissés comme ça. Et on ne doit pas leur faire da'wah, on ne doit pas les combattre pour se convertir à l'islam. Comme le disent certains, ignorants, et certains mécréants, hein, en prétextant que les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, en prétextant que les gens sont libres de prendre la religion qu'ils veulent. Et ceci est un mensonge vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce n'est pas ce qui est voulu par la phrase et par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses créatures, le djinn ou l'ins, pour un but. Comme il est dit dans le verset, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Je ne veux pas de subsistance, je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. Hein? يقول حفظه الله فلو كان الناس يتركون كفارا يعبدون ما شاءوا فما كان لقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كان لها فائدة. Il dit, حفظه الله تعالى, si les gens doivent être laissés libres à eux-mêmes, rester infidèles, rester mécréants, ils adorent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent, où il est le sens dans ces cas-là? Pourquoi avoir dit dans le Coran « Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer » Où il est l'intérêt? « Ma kana laha fa'ida »« Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun ma kana laha fa'ida »« Wa la ma kana lil-jihadi fi sabilillahi fa'ida »« Wa la ma kana lil-da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala fa'ida »« Fa kayfa tad'unahum wa hum ahrar » فيما يعتقدون وفيما يعبدون اتركوهم على مقتضى هذا الكلام الباطل فليعبدوا ما يختارون. Et ce cas-là, c'est quoi l'intérêt d'avoir révélé cette phrase? Je n'ai créé les génies et les humains. Où est l'intérêt? S'ils doivent rester libres à croire ce qu'ils veulent et adorer ce qu'ils veulent. Où est l'intérêt dans ce cas-là de sortir pour le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est l'intérêt d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala? Comment vous les prêchez alors qu'ils sont libres de croire ce qu'ils veulent et de penser et d'adorer ce qu'ils veulent? Laissez-les. Selon cette parole, il n'y a pas de gêne dans la religion, donc laissez-les. Selon cette parole non avenante, cette parole fausse, qu'ils adorent ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ça? Abadan akhal islam. Cela te montre quoi? Cela te montre que des gens comprennent comme ils veulent, eux, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être comprise comme le veut Allah. Et comme l'a comprise le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'ont compris les nobles compagnons, et comme ont transmis cette compréhension, les nobles compagnons, radhiyallahu anhum. يقول حفظه الله فلو كان كما يقولون إن الناس أحرارا في عبادتهم وفي اعتقادهم ولا يعترض على أحد لبطلت كل هذه الأمور ولا ما كان هناك فائدة للدعوة إلى الله يرحمك الله ولا فائدة للجهاد في سبيل الله بل لما كان هناك فائدة لخلق الجنة والنار فما دام الكفار أحرارا لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم آخذون بالحرية كما يقول هؤلاء فهذا كلام باطل. Il dit, حفظه الله تعالى, si la situation est comme disent ces gens-là et ces faussaires, que les gens sont libres à adorer ce qu'ils veulent, ils sont libres dans leurs croyances et qu'on doit s'opposer à personne, hein? Donc toutes ces choses qui sont da'wa ila Allah, qui sont le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit le plus haute, n'ont pas de sens dans ces cas-là, hein? Et dans ces cas-là, ça n'a aucun sens qui est que Allah subhanahu wa ta'ala ait créé le feu de l'enfer ainsi que le paradis. Pourquoi, hein? Puisque les gens sont libres, hein, d'adorer ce qu'ils veulent et de croire ce qu'ils veulent. Pourquoi la création du feu de l'enfer? Pourquoi les mécréants vont être éternellement châtiés au feu de l'enfer, hein, alors qu'ils ont pris la liberté de croyance et la liberté d'adoration? Donc cela veut dire que cette parole est fausse. qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion et de la comprendre comme quoi tout un chacun doit rester libre comme ça à croire ce qu'il veut et à adorer ce qu'il veut. Ceci est faux. Ceci est faux. يقول حفظه الله إذن ما معنى لا إكراه في الدين لأنهم يرددون هذه الآية يقولون الناس أحرار في عقائدهم لأن الله يقول لا إكراه في الدين يقول الشيخ نقول لهم كذبتم على الله ليس هذا هو مراد الله جل وعلا بقوله لا إكراه في الدين. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il dit, car les gens répètent cette phrase. Ils disent, les gens sont libres dans leur croyance. Car le verset, il dit, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Cher de dire, nous leur disons, vous êtes des menteurs, vous montez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il a d'autres significations. يقول بل فيها أقوال للمفسرين لا إكراه في الدين فيها أقوال للمفسرين. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il y a des paroles, des exégètes du Coran. Ils n'ont pas ce que vous avez compris. القول الأول منهم من يقول إن هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بآيات الجهاد لا إكراه في الدين. La première des paroles des exégètes et des interprétateurs du Coran, c'est que ça c'était au début de la situation. Et après il a été abrogé par les versets du combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le قول الثاني أنه أن قوله عز وجل لا إكراه في الدين خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى فهؤلاء إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام بل يتركون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون وبشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام لأنهم على علم وعندهم علم بالدين والرسل ما هم مثل الوثنيين. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, la deuxième parole des exégètes concernant ce verset, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Ceci est particulier, disent les exégètes, celui-ci est particulier aux gens du livre, les juifs et les chrétiens. Ceux-là, quand ils payent la dîme, ce qu'on appelle l'impôt pour rester en tant que dans leur religion et protégé par les musulmans dans le pays de l'islam, cela quand ils payent cette dîme, cette jizya, et qu'ils obéissent aux lois en vigueur dans le pays de l'islam, ceux-là ils sont pas contraints à rentrer dans l'islam. On les laisse à condition qu'ils payent le jizya. On les laisse à condition qu'ils payent le jizya tout en étant rabaissés. Et la condition, c'est aussi qu'ils se soumettent aux lois en vigueur de l'islam dans le pays où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont une science. Parce qu'ils ont la science de la religion. Ils ont la science du messager alayhi salatu salam. Ils ne sont pas comme les adorateurs de statues. Ma hum mitlu l'wathaniyin. أعطوا الفرصة ليراجعوا ما عندهم ويتأملوا القرآن. Les gens de livre ne sont pas comme ceux qui adorent les statues. L'occasion leur est donnée pour réviser ce qu'ils ont comme science de religion, pour qu'ils méditent sur le Coran. ويتأملوا كذلك فيما عندهم فيجدوا أن القرآن يتوافق تماما مع التوراة والإنجيل سالمين من التحريف الباقيين على أصلهما كما أنزل الله سبحانه وتعالى. Et il dit, حفظه الله تعالى, cela l'occasion leur est donnée pour qu'ils réfléchissent, qu'ils méditent sur le Coran et qu'ils méditent ce qu'ils ont entre leurs mains et qu'ils comprennent que le Coran va de pair et concorde avec l'évangile et avec la Torah qui ont été épargnés de la falsification. Ah, il va de pair avec la, le Coran va de pair et concorde avec la Torah et l'évangile qui sont restés sur leur origine, qui n'ont pas été faussés. يقول حفظه الله فلا خلاف بين الكتب السماوية أنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى في أمور العقائد أما أمور المعاملات والحلال والحرام فهي تختلف بسبب بحسب الشرائع وبحسب حكمة الله جل وعلا في كل وقت بحسبه il dit حفظه الله تعالى il n'y a aucune divergence entre eux les livres qui sont descendus min Allah Azza wa Jal. Tous ces livres ne viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune divergence en ce qui concerne les croyances à l'islam. Quant aux choses licites et illicites, ils sont différents d'une législation à une autre. Et selon ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala légifère faire pour chaque temps ce qu'il convient aux gens et ce qu'il convient à ce temps-là. Voilà un exemple. Dans certaines religions avant l'islam, le monothéisme c'est la même chose. La da'wa des prophètes alayhi salam, c'est le fait de réserver leur religion, il est unique. Réserver le culte, tous, tout peuple qui a reçu le message il vient. Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autres divinités, d'autres dignes d'être adorés qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, ça ne change pas. Les législations, c'est elles qui changent un peu dans ce qui est illicite, dans certaines religions, certaines législations. Hein? La viande du porc est illicite. Ils la mangent, ils peuvent la manger. Hein? Dans d'autres, non. Dans l'islam, non. Dans d'autres législations, il y avait, c'était illicite que le frère se mariait avec sa sœur. Dans d'autres législations qui sont venues, ils ont abrogé. C'est interdit. Et ainsi de suite. Dans ce qui est halal et ce qui est haram, il y a des diversités et des divergences, mais dans l'essentiel de la religion, il est unique. C'est-à-dire le fait d'accomplir le culte exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceci n'a pas changé depuis l'envoi d'Adam alayhi salatu salam jusqu'au dernier des messagers alayhi salatu salam qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يقول ولكن العقائد ليس بين الكتب السماوية فيها اختلاف أبدا أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا وأن عبادة غيره سبحانه وتعالى باطلة أجمعت الكتب السماوية وأجمعت الرسل وأجمع المسلمون من قديم الخليقة إلى آخر الخليقة على أن العبادة لا تكون إلا لله وأن من عبد غير الله فإنه يدعى إلى عبادة الله فإن أصر فإنه يقاتل دفعا لكفره وشره وإلا ينتشر الكفر في الأرض ويحتج به المخالف فلو كان الناس أحرارا والاختلاف في الدين كما يقولون ما احتاج الناس إلى بعث الرسل ولا إنزال الكتب وإنما الناس أحرار ولا أحد يدعى ولا أحد يقاتل ولا أحد تفرض عليه الجزية والخضوع للإسلام فهم أحرار كما تقولون Et en ce qui concerne les croyances entre les livres, il n'y a aucune divergence. Les livres qui sont descendus min Allah Azza wa Jal, il n'y a aucune divergence entre eux dans les croyances. Tous les livres dedans est contenu l'ordre principal qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être adoré. Et que l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala est fausse. Les livres qui sont arrivés min Allah Azza wa Jal sont unanimes tous sur le fait qu'il est obligatoire de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers alayhi salatu salam sont unanimes tous sur le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans depuis l'aube de la création jusqu'à la dernière des créatures sont unanimes sur le fait qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il s'entête et s'il orgueille, il continue, doit être combattu pour repousser son infidélité, sa mécréance et son mal. Sinon, la mécréance va se propager sur terre. Et que ceux qui sont en divergence vont prendre ceci, hein, ceci comme preuve, comme quoi les gens sont libres. Il n'y a pas de divergence dans la religion, comme ils disent. Si il en est ainsi, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers? Si ceci est vrai, pourquoi Allah il a envoyé les messagers? Pourquoi il a descendu les livres? Hein? Puisque les gens sont libres, comme on dit, et comme ils le prétendent. Pourquoi a été légiféré le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a imposé la jizya? Hein? Si les gens sont libres, comme vous dites. القول الثالث أن قوله عز وجل لا إكراه في الدين خاص باليهود والنصارى قيل إنهم أسلم منهم أناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على الدخول في الإسلام فالله أنزل هذه الآية في أنهم لا يكرهون وأما قولهم لا إكراه في الدين أنه محمول على الاختيار والحرية فهذا أمر باطل لا دليل عليه من القرآن بل أدلة الشرع كلها ترد هذا وترد على هذا. Et la troisième parole concernant il y a pas de gêne, il y a pas de contrainte en matière de religion, il a été dit que celui est particulier pour les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Il a été rapporté comme quoi un certain nombre de gens de livre se sont convertis à l'islam, et après ils voulaient contraindre leurs enfants à se convertir à l'islam, et le verset a été révélé. Hein? Leur disant qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion, hein? Et que pour eux, c'est ils ont le choix. Et donc, on ne peut pas prendre... Hein? Comme vérité qu'il n'y a pas de matière en religion que ceci, que les gens sont libres à croire ce qu'ils veulent. Ceci est faux à l'islam. Hein? Ceci est faux. Il n'y a aucune preuve qui peut le prouver dans la parole d'Allah, ni dans la sunna du prophète alayhi salam. Les preuves qu'il y a dans la législation prouvent le contraire à l'islam. Wa qawluhu فمن يكفر بالطاغوت يقول حفظه الله سبق لنا أن قلنا أن هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله الذي يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله ففيها معنى النفي والإثبات اللذين في لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. Et donc en ce qui concerne le verset, la suite du verset, celui qui me croit en tagout, hein, ça c'est la signification de la et qui croit en Allah سبحانه وتعالى, ça c'est la signification de la إله إلا الله. Le fait de me croire et d'être infidèle à tagout, c'est la signification de « il n'y a pas de divinité ». La négation de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croit en Allah, l'affirmation et la confirmation de l'adoration qui doit être réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, il y a l'interprétation et la signification de « la ilaha illallah ». « Fama yakfur bit tagout » celui qui me croit en tagout, et croit en Allah. Ah, la négation de tout ce qui se croit, de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la ilaha, et la confirmation de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, c'est l'interprétation directe de la ilaha illallah, dans laquelle il y a deux piliers principaux, à savoir la négation et la confirmation. La négation, donc, quand on dit la ilaha, il n'y a pas de divinité. Illallah, seul Allah subhanahu wa ta'ala. La confirmation, seul Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être adoré. Fafil ayati, tafsir li la ilaha illallah. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah. Tafsir li la ilaha illallah. Wa itbat ruknain. في لا إله إلا لا إله إلا الله ألا وهما النفي والإثبات نفي العبادة عما سوى الله في قولنا لا إله إلا الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى في قولك إلا الله والطاغوت خل الإسلام لفظ عام مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد والطواغيت أنواع فأعظم الطواغيت من يعبد من دون الله وهو راض بذلك تنبه لهذا وهو راض بذلك طاغوت الإسلام c'est un nom général il est pris du sens de le fait de dépasser ses limites le fait de dépasser ses limites et طواغيت sont beaucoup il existe beaucoup de formes de tawarit. Mais les plus importantes, c'est la tête des tawarit, c'est ceux qui s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en agréant l'adoration des gens pour eux. Ceci est très important. Il est tawarit que celui qui est adoré et qui accepte que les gens lui vouent le culte. Hada, c'est un tawarit. Contrairement à celui qui ne l'accepte pas. فالطاغوت هو اللي يعبد من دون الله ويرضى بعبادة الناس له هذا هو الطاغوت أما الذي لا يرضى بعبادة الناس له فليس بطاغوت أخ الإسلام يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله هذه رؤوس الطواغيت إبليس الذي والثاني الذي يعبد وهو راض بعبادة الناس له والذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه والذي يدعي علم الغيب والذي يحكم بغير ما أنزل الله Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il dit que la tête des tawaghit sont au nombre de cinq. Le premier, c'est Iblis, Satan. Le maudit Satan, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui qui est adoré par les gens, qui agrée et qui accepte l'adoration des gens. Le troisième, c'est celui qui appelle les gens à l'adorer. Et le quatrième, c'est celui qui prétend connaître l'invisible et annoncer l'invisible et le cinquième c'est celui qui juge avec autre que les lois d'Allah hadir osu tawarit ça ce sont les têtes du tawarit l'awwal iblis wa huwa awwal tawarit le premier c'est iblis et c'est le premier et le plus grand des tawarit al-thani man ubida wa huwa radh bidhalik أما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا ليس لا يسمى طاغوتا فالملائكة عبدوا من دون الله لكن لم يرضوا بذلك فلا تقل في الملائكة طواغيت أبدا الملائكة لم يرضوا بذلك ولا أمروا به والمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله وعبد الله عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو ينهى عن ذلك في حياته ويتبرأ من أصحابه فلا يعد طاغوتا أخ الإسلام إيه اللي حفظه الله تعالى le deuxième طاغوت c'est celui qui se fait adorer et qui accepte l'adoration des gens que lui vaut les gens et le culte que lui vaut les gens quant à celui qu'on adore et lui il n'accepte pas, il n'agrée pas cette adoration qu'on lui veut, celui-là on ne peut pas l'appeler un tawaghut. Les anges ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'acceptaient pas cette adoration. Ils n'ont pas ordonné aux gens d'adorer, de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Donc on ne peut pas les appeler tarot. Le malaïka, les anges, on ne peut pas les appeler des awarif. Abadan. Isa alayhi salam, le fils de Maryam, alayhi salatu salam, a été adoré en dehors d'Allah. Et il est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'accepte pas cette adoration. Au contraire, il a interdit qu'on voue le culte à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala durant sa vie. Et il dit à vous tous ceux qui lui vouent le culte. Donc on ne peut pas dire de Isa alayhi salatu salam que c'est un tarot. La même chose pour l'Uzair. Hein? كذلك العزير عبد من دون الله فلا يمكن أن نقول في العزير أنه طاغوت أبدا أخ الإسلام إن أولى أنبياء ورسل من الله سبحانه وتعالى أمروا الناس بعبادة الله ونهوهم عن الشرك بالله وعن عبادة غير الله. On peut pas dire de ces nobles messagers qui sont العزير qui sont عيسى عليه الصلاة والسلام que ce sont des tawaghit parce qu'ils ont eux, ils ont ordonné à leur peuple ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent, que les gens doivent vouer le culte excessivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne doivent pas faire d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama at-taghutu alladhi amarahum bi'ibadatihi wa huwa ash-shaytan. Wa kadhalika al-awliya was-salihun alladhina matu 'ala salahihim wa 'ala wilayatihim لله سبحانه وتعالى وعلى عملهم الصالح لكن عبدوا بعدما ماتوا هؤلاء لا يقال لهم طواغيت أبدا وإنما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان. Et donc طاغوت c'est celui qui a ordonné aux gens, qui a orienté les gens et qui leur a ordonné et qui leur a embelli le fait d'adorer les anges, d'adorer les prophètes, etc. Et ça, c'est Shaitan qui leur a ouvert cette voie et qui leur a embelli cette voie, qui les a orientés dans cette direction. Il en est de même pour ce qu'on appelle l'Aulia et les vertueux. Ceux-là qui sont morts, en étant bien, en étant soumis à Allah, en étant vertueux, ceux qui sont morts sur leurs bonnes œuvres, mais ils ont été adorés après leur mort. On ne peut pas dire qu'ils sont des tawarit à l'islam. Mais tarot, c'est celui qui a orienté les gens et qui a ordonné aux gens de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est shaitan. Shaitan, huwa alladhi zayyana linnas wad wa ya'uq ونسر هؤلاء كانوا رجال صالحين فأتى الشيطان عندما ماتوا خمسة هؤلاء أتى الشيطان إلى قوم نوح فقال لهم ناس صالحين تذكروهم واجعلوا لهم صورا في الأمكنة التي كانوا يجلسون إليها فأوحى إليهم الشيطان هذا الكلام فصوروهم فمرت الأجيال فأتى إلى الذين لا يعلمون حقيقة ود وسواغ ويغوت ونسر فقال لهم هؤلاء رجال صالحون كان أجدادكم يطلبون منهم مطر ويفعلون ويفعلون ويدعونهم فيستجيبون لهم فعبدوهم من دون الله ود وسواع وهؤلاء كانوا رجال صالحين فهل طلبوا من الناس عبادتهم؟ أبدا ولكن الذي زين لهم ذلك هو الشيطان هو الشيطان. من الله عز وجل concerne le peuple de Nuh عليه الصلاة والسلام. Il y avait des gens vertueux. Yud, Wasuwa, Wayaouk, Wanasr. Ils étaient au nombre de cinq. Quand ils sont morts, Shaitan est venu aux gens qui vivaient autour d'eux. Comme ces gens étaient connus pour leur science, pour leur vertu, il a réglé le problème de la société, etc. Il s'est installé dans certains endroits. Shaitan est venu les voir. Il leur a dit, ces vertueux, il ne faut pas les oublier. Il faut leur faire une image, une représentation, pour s'en rappeler, pour ne pas les oublier. Ils l'ont fait. Shaitan les a orientés vers ce sens-là. Ils l'ont fait. Les générations sont passées sans les adorer. Après, il y a eu une génération qui est arrivée, qui ne savait pas l'histoire ni de Houd, ni de Souha, ni de ses vertueux et ses hommes de science. Et Shaitan est venu le voir, il leur a ordonné de les adorer, ils leur ont voué le culte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils leur ont voué le culte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, ces statues, c'est elles, ils sont adorés pour elles-mêmes ou là, ils sont adorés pour ce qu'ils représentent? Ils sont adorés pour ce qu'ils représentent. Hein? Disons vertueux. فهذه التماثيل التي صورت لود وسواء عبدت تمثال أم عبدت ما تمثل لا الذي عبد هو ما تمثله من رجال صالحين فكذلك الناس عندما تتوجه بالعبادة وبالذبح للأضرحة فهي تتوجه لما تمثل هذه الأضرحة وهذه القبور ليس للقبر ولكن لما يمثله القبر الرجل الصالح وهذا فهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى لا même chose pour ces mausolées et ces tombes autour duquel on construit un mausolée auquel sont voués de culte c'est pas la pierre qui est adorée après l'islam c'est ce qui est représenté par cette pierre cet homme vertueux ou cet homme auquel on attribue des miracles, etc. Donc le culte est voué à quelque chose. Hein? Parce que beaucoup disent, nous on n'adore pas les statues. Hein? Mais c'est une ambiguïté qui est énorme. Que ce soit les anciens ou les derniers, ben ils adorent tous la même chose. Ce que représente ces statues ou ce que représente ces tombes. كثير يشبه عليك يقول لك نحن ما نعبد الاصنام ولا نعبد الاحجار. لكن الاولين والاخرين يعبدون ما تمثل هذه الاحجار. ها؟ تمثل ارواح صالحين في اعتقادهم. فces représentations que ce soit les tombes, que ce soit les statues représentent pour ceux qui leur vouent le culte, ils représentent l'âme de ces vertueux. Donc que ce soit les anciens ou les nouveaux, ils adorent la même chose. Ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses représentations. التالت من دعا الناس إلى عبادة نفسه لأن بعض الطواغيت يأمر الناس بأن يعبدوه. فيه من الناس من يعبد من يأمر الناس بعبادته. وهذا ثالث من الطواغيت. Troisième catégorie de tarot, c'est ceux qui demandent aux gens de les adorer. Il y a des gens qui demandent aux gens de les adorer, de leur vouer le culte. Hein? Ils existent jusqu'à nos jours. وَأُولَئِ مَوْجُودُنَ لَيَوْمِ النَّاسِ هَذَا وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ وَأَنْ يَضُرَّهُمْ وَيُحَقِّقَ لَهُمْ مَطَالِبَهُمْ كما عليه اليوم طواغيت الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم مطالبهم وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة وبعضهم يوصي يقول إذا مت لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بي ذراع من التراب هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم وأنا هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت وهؤلاء موجودون إلى يوم الناس هذا Ils disent, ceux-là qui appellent les gens à les adorer disent aux gens qu'ils peuvent leur prodiguer le bien, qu'ils peuvent leur prodiguer, leur repousser le mal, et qu'ils peuvent accomplir leurs désirs et ce qu'ils demandent, leur donner ce qu'ils demandent. Comme on le trouve maintenant dans Tawarit Sophia, hein, et dans les grands chouïrs de Sophia, hein, qui prétendent qu'ils accomplissent pour ceux qui les adorent ce qu'ils veulent, et ils leur donnent ce qu'ils veulent. ils prétendent qu'ils ont une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils prennent la science directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires humains. Hein? Certains conseillent et ordonnent, ils disent à leurs disciples, quand je serai mort, le bout de terre qui est sur ma tombe ne doit pas être un obstacle entre vous et moi. Venez à ma tombe, demandez-moi, cherchez secours auprès de moi, je vais vous secourir, je vais accomplir vos désirs, je vais vous donner ce que vous voulez. Hada, ceux-là, ils appellent les gens à les adorer. Hada, c'est un tarot au sens large du terme. Et là, ils existent jusqu'à nos jours à l'islam. Jusqu'à nos jours. Tu vois pas, des fois, pour certains sectes soufis, te présente un vieux cheikh de plus de 90 ans qui n'arrive plus à marcher et que des gens arrivent en calopette, en tournant jusqu'à embrasser les pieds, en se prosternant aux pieds de cet homme. Regarde, pendant ce qu'ils appellent les fêtes de Mouloud, cette fête de l'innovation, regarde combien on te présente à travers les documentaires de ce genre de personnes qui sont adorées durant leur vie déjà, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah subhanahu wa ta'ala. لا ترى أنت بعد مشايخ صوفية الآن لا يتحرك هو في الناس بلسطه والناس تدخل عليه سجدة له وتتمشي على أربعة حتى تجي تقبل له الرجل وهذا تشوفه في الوثائق التاريخية وفي الوثائق من تتوصل هذا العيد المبتدع عندهم اللي هو عيد المولود والرابع أخي الإسلام من ادعى علم الغيب وهو الكاهن الطواغيت كهان كما يقول بعض السلف كانت تنزل عليهم الشياطين وفي كل حي من أحياء العرب منهم واحد فالكهان طواغيت لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول Le quatrième tarot, c'est celui qui prétend connaître l'invisible. Le devin est un tarot. Tawaret était des devins, comme disent certains de nos pieux prédécesseurs. Shayatin venait les voir et leur annonçait des choses. Dans chaque quartier des Arabes, il y avait un tarot. Et donc tout ce qui est devin, c'est un tarot. Pourquoi ? Car ils prétendent connaître la science de l'invisible et ce qui va arriver demain. Cette science de l'invisible qui est une particularité à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, Alimul Ghaib, celui qui connaît l'invisible qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut avoir connaître l'invisible sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire connaître à un des messagers ou à certains de ces messagers alayhi salatu wassalam. فالله سبحانه وتعالى قد يطلعه الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول هذا يطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض أمور الغيب لماذا؟ لمصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المساجي عليه الصلاة والسلام والمساجي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى peut leur faire connaître certaines choses de l'invisible pour l'intérêt de la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. وتكون حين ذلك وتكون معجزة له ودليلا على صدقه لمصلحة الناس وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله Et dans ces cas-là, ces choses de l'invisible que ce messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître à son messager alayhi salatu wassalam vont être pour lui quelque chose comme un miracle et vont être comme lui une preuve comme quoi il est véridique avec les gens. Ils vont être une preuve qui vont appuyer son message et que les gens vont se croiront en Allah subhanahu wa ta'ala et adhérer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon l'invisible, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Hein? Dis-leur, ya Muhammad, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et l'invisible appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن عندك يأتيك شبهة وأنت تقول اليوم يعرفون ما في بطون النساء ها؟ فهذا لا إشكال فيه لأنه ليس من الغيب. نطفة الرجل تمر به وقت في البطن، فأربعين يوم تكون نطفة وتكون علقة وتكون وتخلق فيه، عندما تصل إلى أربعة أشهر 120 يوما فتصور، فيبعث الملك بنفخ الروح وبكتابه كتابة أجل هذا الإنسان، كيف سيكون، شقي سعيد ذكر أم أنثى. فخرج من الغيب، الملك عرفه فخرج منه من الغيب الذي هو لله سبحانه وتعالى. فحين ذاك لا إشكال أن العلم الحديث يصل أن يقول لك عندما تصل المرأة في حملها إلى 120 يوما إلى أربعة أشهر أن سيكون ذكر أو كذا، بعد المكبرات والصور التي تصور وتلتقط عبر الأجهزة، ما في إشكال هذه. كذلك عندما يقولون أن المطر سيقع كذا وكذا، فما هي إلا حسابات، فما هي إلا حسابات هذه سرعة الريح ومن أين تأتي الريح وكذا، فهم يتوقعون، فما هي إلا توقيعات، يتوقعون إذا استمرت الريح في هذه السرعة فستصل إلى المكان الفلاني فيكون هناك التقاء بسحب أخرى ويكون المطر، لكن لا يدرون هل الريح ستستمر في نفس الاتجاه، هذا لا يعلمه إلا الله. فيكون في بعض الأحيان يقول لك سيكون المطر في المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية سيكون فيها الشمس، فإذا بالله سبحانه وتعالى يأمر الريح أن تغير الاتجاه فيكون العكس، فيكون العكس، ما هي إلا توقعات وحسابات، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. Allah Azza wa Jal, il faut aussi, dans l'invisible, il ne faut pas que tu aies des ambiguïtés. Maintenant, avec les découvertes modernes, etc., on arrive à savoir ce qu'il y a dans le ventre de la femme. Au bout de 120 jours, au bout de 4 mois de grossesse, on arrive à voir si on peut t'annoncer par l'échographie, etc., si c'est un garçon ou une fille, etc. Et combien de fois on se trompe, mais en général, il arrive. Mais sache, à ce stade-là, ce n'est plus, ça ne fait plus partie de l'invisible d'Allah. Parce qu'une fois arrivé à la troisième quarantaine, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'ange responsable de ce fœtus d'écrire la vie que va vivre ce fœtus, s'il va être mâle ou femelle, s'il va être heureux ou malheureux, etc., et sa subsistance et tout. Donc il est sorti de l'invisible d'Allah. L'ange, il le connaît maintenant. Donc que la découverte scientifique arrive à t'annoncer ce qu'il y a dans le ventre, ça c'est plus un problème. Ça ne doit pas être une ambiguïté dans ta tête, ni te ramener une équivoque. Abadan. La même chose pour ce qui est de la météo. Des fois on t'annonce que la pluie va avoir tel jour à tel endroit. Et on te l'annonce le samedi pour le mardi, etc. Ce n'est pas un problème, ce ne sont que des calculs. Le calcul de la force du vent, les nuages, comment ils sont, etc. Et tout. Et ils vont dans telle direction, donc les calculs leur permettent de voir, ils vont se rencontrer à cette vitesse-là, ils vont se rencontrer par exemple à un an, mardi, il va y avoir la pluie. Hada, parce qu'il se base sur cette direction qui est prise par le vent et par la puissance, etc., et la vitesse, etc., et tout ça. Ce ne sont que des calculs. Mais ils ne savent pas l'ordre que donnera Allah subhanahu wa ta'ala pour le vent. Au moment où ils ont fait le calcul, ils l'ont fait aujourd'hui, mais ils ne savent pas quel ordre il sera donné au vent demain. Allah subhanahu wa ta'ala, il songe Hein? Sonore, devant et le vent, au lieu de partir de la partie sud-nord, ben il va repartir dans une autre direction, sud-ouest. Et donc il n'y aura pas la pluie. Sinon il peut y avoir qu'il va dans le même sens, et dans ces cas-là il y aura la pluie. Mais ce n'est plus de l'invisible, ce ne sont que des calculs et des trucs qui sont... Hein? C'est pour ça que tu entends dire la prévision météo prévue. C'est la prévision déjà météo. Donc ce n'est pas quelque chose de sûr. Hein? Parce que personne n'a la certitude que le vent va continuer dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui change de direction. Hein? Donc tout ceci ne doit pas être une équivoque pour nous devant le fait que l'invisible appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله والرسول الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصلا وإنما علمه باطلاع الله له عليه فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. Il dit حفظه الله تعالى et le messager qui a connu quelque chose de l'invisible, il l'a pas connu de lui-même à l'origine. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait connaître. Il ne le connaissait pas avant, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait connaître. Car l'invisible ne le tient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne le connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtada min rasoul. Donc, il est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît l'invisible. Personne ne peut aller et connaître l'invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf le messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gré, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner une connaissance de l'invisible, des choses. Le fait de connaître quelque chose de l'invisible. Amma al-kuhan wa shayatin fa'ulai kadhaba walakin yahsuluna ala shay'in min al-ghayb biwasitati istiraq as-sam'. Quant aux devins et aux shayatin aussi, ceux-là ce sont des menteurs. Ils volent un peu de ce qu'ils écoutent dans les cieux. Parmi les djinns qu'ils écoutent dans les cieux, ils ramènent au devin, ils ramènent un peu. Et cette vérité, ils l'enrobent de beaucoup de mensonges. Ils volent un peu ce qu'ils écoutent, et puis voilà, c'est tout. Et sinon, tout le reste, c'est du mensonge. Personne ne peut savoir ce qui va être demain. Hein? Et tu vois, beaucoup de gens, ils perdent leur passeport, leur carte d'identité, ils vont chez des devins pour les trouver. Et des fois, avec son shaitan, il lui dit, vas-y, il est attaché telle personne, etc. Mais tout ça, c'est pour induire les gens en erreur. Shaitan, il joue ce rôle pour que les gens adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va chercher cette information. Hein? Et des fois, il ramène que du mensonge. Et la situation, parce que l'invisible ne peut le percer. Personne ne peut percer l'invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala. والأمر الخامس طاغوت الخامس وهو الأخير من حكم بغير ما أنزل الله ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها هؤلاء طواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا عندك متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوت. Et le cinquième et le dernier, c'est celui qui juge avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gouverneurs qui instaurent des lois qui ne sont pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui annulent et qui mettent de côté la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la remplacent par ces lois qu'ils inventent eux-mêmes. Ceux-là, ce sont des tawarit parce qu'ils ont jugé avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala que les lois d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par le Coran, ils sont appelés des tawarit. Ils veulent se faire juger par Tarot, alors qu'il leur a été ordonné d'être infidèle et de mécroire à Tarot. Donc celui qui juge avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, volontairement, Andek, le faisant exprès, mettant de côté les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là c'est un Tarot. ها؟ أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يتحرى الحق ولكنه أخطأ فليس هذا طاغوتا. الذي اجتهد لكي يصيب الحق، حاول أن يصيب الحق وأراد الحق لكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله فليس بطاغوت أخ الإسلام. Quant à celui qui juge avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des efforts pour arriver à la vérité, mais il s'est trompé, il n'est pas arrivé à la vérité. Il a jugé avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, ce n'est pas un tarot, akhal islam. Celui-là, ce n'est pas un tarot. Fal fuqaha, idha ijtahadu fil masail al fiqhiyya wa akhta'u لا يعدون طواغيط لأنهم لم يتعمدوا هذا، هم يبحثون عن الحق ولكن لم يصلوا إليه فهم معذورون. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لماذا؟ لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأ باجتهاده، ولا يجوز اتباعه على الخطأ. ولكن هذا في المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد، أما من ليس أهلا للاجتهاد فهذا أصاب أم أخطأ فهو آتم، لأنه ليس من أهل الاجتهاد في دين الله عز وجل ولا في أحكام الله سبحانه وتعالى. Donc, quant à celui qui juge avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala, que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant fait des efforts d'interprétation, il cherche la vérité mais il s'est trompé, celui-là, on ne peut pas dire de lui un tarot. Il en est de même pour les hommes de science et les jurisconsultes. Quand ils font des efforts d'interprétation en ce qui concerne certains sujets concernant la jurisprudence, ils se trompent. Ils ne sont pas considérés comme des tawarit al islam. Ils jugent avec cette erreur qu'ils ont extraite de la loi, de la législation. Cela, on ne les considère pas comme des tawarit. Parce qu'ils ne l'ont pas fait volontairement. Ils n'ont pas voulu l'erreur. Mais tout simplement, ils cherchent la vérité. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils sont excusés. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a dit, quand le juge a fait des efforts d'interprétation, si il a touché la vérité, il est tombé dans la vérité avec son effort d'interprétation, ben il aura deux récompenses. Et s'il s'est trompé, il aura une seule récompense. Deux récompenses quand il a le vrai. Pourquoi ? Une récompense pour son effort d'interprétation, parce qu'il est digne de cet effort. Et deuxièmement, la deuxième récompense, parce qu'il est tombé, il a touché la vérité. Et quand il tombe dans l'erreur, ben, il aura une récompense, la récompense de l'effort d'interprétation. Mais fais très attention à l'islam, celui concerne ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Quant à moi et à toi, si on y met d'effort d'interprétation et on dit ceci c'est comme ça, et on n'a pas les outils, on n'est pas digne, ben on est dans le péché, qu'on soit dans la vérité ou dans le faux à l'islam. Il y a une énorme différence. Hein? C'est pas tout un chacun, il vient et fait des efforts d'interprétation. Là, il faut qu'il en soit digne. Il faut qu'il fasse partie des gens qui ont la capacité pour le faire et la science pour le faire, pour qu'il ait soit il a deux récompenses, soit il aura une seule récompense et pour son erreur, il lui sera pas pris rigueur. Et donc, si je consulte ces hommes de science qui font des efforts d'interprétation, qui se trompent, hein, on ne les considère pas comme des tawarites parce qu'ils ne cherchent pas le fait d'être en divergence avec la législation. Mais ils se sont trompés durant leur effort d'interprétation. Mais on n'a pas le droit de les suivre dans leurs erreurs. On n'a pas le droit de les suivre dans leurs erreurs. ذلك لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نراه أنه خالف الدليل. ما يمكن لا يجوز لنا أن نأخذ اجتهادا لفقيه من الفقهاء أو لعالم من العلماء وعندنا يقين وعلم بأن هذا الاجتهاد مخالف للدليل. Et il en est de même. On ne doit pas suivre ce jurisconsulte, cet homme de science, dans l'erreur dans laquelle il est tombé. Et en même temps, on n'a pas le droit. Il ne nous est pas permis de prendre cet effort d'interprétation. Nous voyons que nous avons les preuves comme quoi cet effort d'interprétation. Et le point auquel a amené cet effort d'interprétation est en divergence avec les preuves. On n'a pas le droit de le prendre. Parce qu'il est en divergence avec les preuves. ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوتا هذا الذي اجتهد وهو اهل للاجتهاد معذور وليس بطاغوت mais celui qui a fait cet effort d'interprétation et qui s'est trompé et qui est digne de l'effort d'interprétation il est excusé mais ce n'est pas un طاغوت et ce n'est pas un طاغوت بل له اجر اذا كان من اهل العلم اذا كان من اهل العلم فله أجر أخ الإسلام مع أنه أخطأ لأنه من أهل العلم mais il aura une récompense malgré qu'il s'est trompé parce qu'il fait partie des hommes de science et de ceux qui sont dignes de faire des efforts d'interprétation أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهاد فهذا على كل حال مخطئ فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن ذلك أما إذا اجتهد الإنسان وهو ليس أهلا للاجتهاد فهو مخطئ ها فهو مخطئ لا يجوز له أن يجتهد هذا الاجتهاد إيه quand quelqu'un fait un effort d'interprétation il ne fait pas partie des gens qui sont dignes de l'effort d'interprétation celui-là il a commis une énorme erreur hein il a fait un effort d'interprétation qu'il n'a pas à faire ولكن هذا في المجتهدين mais ceci comme quoi il sera récompensé celui qui a fait un effort d'interprétation et s'est trompé cela il concerne ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation donc هذا الذي سيؤجر أجر واحد فهو المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد وهو أهل للاجتهاد ولو أخطأ يكون له أجر ولا يتبع على خطأه Et donc celui qui est digne de l'effort d'interprétation, il aura une récompense même s'il s'est trompé. Mais on ne le suit pas dans l'erreur dans laquelle il est tombé. ولكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلة الاجتهاد إذا أخطأوا كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد فإنهم ليسوا معصومين. Donc tout ceci concerne ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Et qui ont les outils pour le faire. Ceux-là, quand ils se trompent, comme les grands imams, les quatre grands imams, et leurs similaires parmi les hommes de science, qui ont réuni les conditions de l'effort d'interprétation, ceux-là, ce sont des gens dignes de l'effort d'interprétation, mais ils ne sont pas épargnés de l'erreur. Abadan akh al-Islam. Et on les appellera jamais, ils seront jamais considérés comme des tawarit, abadan akh al-islam. Innama at-taghut alladhi ta'ammada mukhalafata ash-shar' wa ta'ammada al-hukma bighayri ma anzala Allah yajlib al-qawanin wal-mahakim al-qanuniyya yaj'alaha mahall ash-shari'a. Hadha la shak annahu taghut. Laysa taghutan 'adiyan bal min ru'us at-tawaghit al-khamsa. Taghut, c'est celui qui, volontairement, il va à l'encontre et il agit en divergence avec la législation. Et volontairement, il juge avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ramène des lois qui ne sont pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les instaure, il les impose. Et il remplace avec les lois de la législation. Hada, il n'y a aucun doute que c'est un taghut. C'est pas tout simplement un simple tawarit, il fait partie des cinq têtes de tawarit. Mais il faut bien que tu comprennes. N'oublie pas, il le fait volontairement. Il fait son choix. Il considère que les lois qu'il a imposées ou qu'il a ramenées d'autres civilisations, etc., sont mieux que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient mieux أوتون ينسي دو سويت عندك. فما دام يقول فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أن تبقى جاهلا وما تدري ما هو الطاغوت. لا بد أن تعرف ما هو الطاغوت وما هي أنواعه حتى تتجنبه حتى تحذر منه. لا بد الإنسان يعرف ما هي الطواغيت لكي يتجنبها ويحذر منها. إذن puisque الله سبحانه وتعالى t'as fait obligatoire de mécroire et d'être infidèle à ta route et de mécroire en ta route, hein? T'as pas le droit de rester ignorant, de ne pas savoir ce que c'est que ta route. Il est obligatoire pour toi que tu connaisses ce que c'est que ta route. Obligatoire. Et qui sont les différentes formes de tawarit, différentes catégories de tawarit, pour que tu les évites et que tu fasses attention à ceci. Hein? أما أن تقرأ هذا القرآن بأوامره ونواهيه وفيه ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف كيف تفرق بينهما هذا لا يجوز للمسلم. لا بد أن يتعلم هذه الأشياء ويكون على بصيرة منها في نفسه ويتجنبها ويحذر منها من أجل أن يعرف الحق من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينه لهم. فالأمر مهم جدا. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il médite bien, c'est un noble conseil. Et alors que tu lises le Coran, et que tu lises les ordres qu'il y a dans le Coran, les interdictions qu'il y a dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle dans le Coran de l'associationnisme, il te parle du monothéisme, et que tu ne sais pas faire la différence entre les deux. Hada, ce n'est pas permis pour un musulman. Il n'est pas permis aux musulmans de ne pas savoir faire la différence entre l'associationnisme et le monothéisme. Il est obligatoire que tu apprennes ces choses et que tu aies une clairvoyance sur ces sujets pour que tu les évites et pour que tu connaisses la vérité et que tu mettes en application la vérité. Hein? Et pour que tu appelles les gens vers la vérité et que tu éclaires les gens sur cette vérité. Car la situation est énorme et très importante. يقول حفظه الله يجب الكفر بكل هؤلاء فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر ببعضهم وصحح شيئا من الطواغيت فصحح الكهانة وصحح الحكم بغير ما أنزل الله وقال الوقت تغير والوقت يختلف ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة ولا بد أن نسير الدول ونسير العالم. هذا لم يكفر بالطاغوت وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصلي وإن كان يحج وإن كان يصوم فهذا لم يكفر بالطاغوت أخ الإسلام. Donc il est obligatoire de me croire et d'être infidèle à tout cela. Celui qui ne me croit pas en tarot, qui n'est pas infidèle à tarot, ou alors qui n'a pas, qui n'est pas infidèle et qui ne croit pas, hein, et qui ne me croit pas en certaines formes de tarot, ou alors qu'il authentifie certains tawarit, comme s'il dit que le fait de deviner est vrai, hein, le fait de connaître les choses qui vont se passer demain, ou le futur, etc., c'est vrai, ou le fait de prendre comme bien, le fait de juger avec autre que les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dire que les temps ont changé, qu'on vit un autre siècle, que, hein, et que les gens... On ne peut pas les juger avec les lois d'Allah. Il faut être comme tout le monde. Il faut vivre notre temps. Il faut vivre comme tous les autres pays, etc. Hein? Et qu'on soit conforme aux lois qui régissent le monde et ainsi de suite. Hada, il n'a pas mécru en tarot. Même s'il dit la ilaha illallah. Même s'il prie. Même s'il jeûne. Même s'il fait son pèlerinage. Il n'a pas mécru en tarot. Abadan akhal islam. ما دام أنه يقول الحكم بغير ما أنزل الله لا يناسب هذا الوقت يتعارض مع الحضارة الحديثة ها ومع سياسة الدول فعلينا أن نسيرهم في هذه الأمور والشرع إنما يكون في المساجد وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لا بد له فيه من مسايرة الدول ولا ينفرد عنها هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر. هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر، لأنه لم يكفر بالطاغوت، والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إيه الذي حفظه الله تعالى celui qui dit que le fait de juger avec autre, avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, avec la législation de Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne convient pas à notre temps, ne convient pas à ce temps, ceci est en contradiction avec la civilisation moderne, ceci ne convient pas et ceci est en contradiction avec la politique des pays. Il faut que nous soyons dans la même direction que les autres pays et que la législation doit être contenue tout simplement dans la mosquée et juger entre les gens et tout ce qui est politique. Ceci, nous devons être conformes à ce qui se passe dans le monde. Hein? Et nous ne devons pas être marginales par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport aux lois qui gèrent le monde. Celui-là, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait son pèlerinage, même s'il dit « La ilaha illallah », ben il est mécréant. Parce qu'il n'a pas mécréant ta route. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset a mis en avant le fait d'être infidèle à ta route et le fait de mécroire en ta route. Il l'a mis en avant dans le verset. Avant la foi en Allah, il a dit celui qui est infidèle, celui qui mécroit en ta route et qui croit en Allah azza wa jal. Car la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala ne serait authentique qu'après avoir mécru en ta route. Hein? Et ceci est très important à l'islam. والدليل على هذا كله ونختم إن شاء الله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت la preuve il est dit dans le verset nous avons envoyé dans chaque communauté un messager adorer Allah, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, éviter tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, éviter ta route. Hein? يقول الشيخ حفظه الله هذا الدليل على أن من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت. الدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان cette preuve hein, le verset qu'on vient de citer qui est cité par الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه dans cette épître, il dit هذا c'est une preuve comme quoi que celui qui adore autre que celui qui a été adoré en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant l'adoration qui lui est vouée, ou il appelle les gens à l'adorer, ou il juge avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là est un tawarit, fait partie de tawarit. La preuve, c'est ce verset. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui a dit à son peuple quoi ? Adorer Allah, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et éviter tawarit, éviter tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, hadi l'aya, مثل قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Dit ce verset il est similaire au premier verset. Celui qui me qui me croit en tagout et qui croit en Allah عز وجل. Les deux versets sont similaires. Ils vont dans le même sens. آيتان في نفس المعنى. فهو لم يقتصر على قوله أن يعبد الله بل قال واجتنب الطاغوت. Il ne s'est pas arrêté tout simplement à dire adorer Allah, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il a rajouté éviter ta route. C'est-à-dire éviter tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ اجْتِنَابِ الطَّاغُوتِ فَمَنْ يَعْبُدِ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجْتَنِبِ الطَّاغُوتِ فَعِبَادَتُهُ بَاطِلَةٌ كَالَّذِي يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَحُجُّ ويتصدق ويتبرع وينفق ولكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات من دون الله هذا لم يكفر بالطاغوت. Hein? Donc, car l'adoration ne saurait être acceptée et correcte qu'en évitant ta route. Celui qui adore Allah, hein, matin et soir, et il ne croit pas en ta route, il ne s'éloigne pas de ta route, son adoration, il est fausse, il est nul. C'est comme s'il ne fait rien. Comme celui qui prie, qui jeûne, qui fait son pèlerinage, qui donne, qui dépense. Hein? Mais il cherche secours auprès des morts. Et il invoque, il demande aux morts, en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là, il n'a pas mis cru en ta route. Son adoration, il est fausse, il ne lui sert à rien du tout. ويقول الشيخ حفظه الله جميع الرسل على هذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هذا عام لجميع الرسل أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت فلا بد من الأمرين وهذا هو معنى لا إله إلا الله أن اعبدوا الله هذا معنى الإثبات واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى النفي إلا الله لا إله إلا الله لا إله اجتنب الطاغوت ها اجتناب الطاغوت هو لا إله اعبد الله هذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى إلا الله et tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام sont sur cette voie là nous avons envoyé de chaque communauté un messager ceci est général pour tous les messagers عليهم الصلاة والسلام Ils sont venus, ils ont ordonné à leur peuple le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire d'avoir ces deux choses. Réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et mécroire en ta route. Si la signification de la ilaha illallah n'est digne d'être adoré qu'Allah. Ani'budu, adorer Allah, c'est-à-dire confirmer. Et réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Éviter ta route, c'est-à-dire rien, aucun culte ne doit être voué. Faire la négation de toute adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et dans le verset, tu vois, Ani'budullah, il ne s'est pas arrêté à ça tout simplement. Et éviter ta route. Fas'Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, Anij'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا